C'est un acteur connu? Oui, c'est un acteur qui est très connu. C'est un homme intéressant. Oui, c'est un homme qui est très intéressant. C'est un film ennuyeux? Oui, c'est un film qui est très ennuyeux. C'est une belle femme? Oui, c'est une femme qui est très belle. C'est une histoire triste. Oui, c'est une histoire qui est très triste.